Galaxy Weekend. Galaxy Weekend. Galaxy présente. À partir de 22h, 60 minutes d'ambiance. Prélude, présenté par Guillaume de Baskerville. Oh. rfm.com.